signatures chimiques de ces processus de fusion et de cristallisation du magma océanique. Et enfin, selon une étude parue dans The Astrophysical Journal, un trou noir supermassif se balade dans une galaxie lointaine. Oui, généralement, les trous noirs supermassifs se contentent de rester statiques. Avec les observatoires Arecibo et Gemini, une équipe internationale a observé un trou noir supermassif d'une masse d'environ 3 millions de fois celle du Soleil dans une galaxie à spirale à environ 230 millions d'années-lumière de nous. Alors, grâce à ces émissions d'hydrogène neutre, les chercheurs ont pu suivre son mouvement et sa vitesse. Et il se trouve que cet astre se déplace à une vitesse différente du reste de sa galaxie. Alors, est-ce les restes d'une collision avec un autre trou noir supermassif qui aurait provoqué ce mouvement? Ou est-ce un trou noir supermassif binaire dont le compagnon resterait invisible? L'équipe va poursuivre ses observations pour mieux comprendre cet étrange comportement. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Au XVIe siècle, la paléontologie s'appelait la gigantologie, de façon à coller au mythe religieux et de faire des dinosaures des géants antédiluviens au sens littéral et biblique du terme. Parce que lorsqu'on pense animaux géants, outre les actuels que sont la baleine bleue ou l'éléphant, on pense surtout immenses dinosaures herbivores comme le brontosaure ou le diplodocus pour ne citer que deux. On pense moins que ce gigantisme a pu également concerner les insectes, notamment certaines espèces de libellules de près de 70 cm, sans parler des blattes géantes ou d'énormes ancêtres de scarabées de tout aussi belle taille. Mais pourquoi le gigantisme, s'il est apparu à une époque du vivant sur Terre et de façon assez commune, ne s'est-il pas reproduit? On a coutume de dire que les êtres vivants sont optimisés pour vivre à la taille qui est la leur, mais comment cette taille est-elle définie? Si nous pouvons nous réjouir de ne pas être attaqués par des araignées géantes comme dans le film Tarantula, que se passerait-il si nos mignons petits lapins prenaient des proportions gigantesques? Ici John Hightower, j'appelle le shérif Cody. Je suis sur l'aire de stationnement à 5 km de la ferme Hillman. Je n'ai jamais rien vu d'aussi affreux. J'ai découvert 4 cadavres, horriblement mutilés. Un couple et ses 2 enfants. Je reste sur place en attendant vos instructions. Terminé. Durant toute ma vie, j'ai étudié les tares et les malformations de naissance. D'ailleurs, je suis bien placé pour les connaître. Vous voyez, je les côtoie tous les jours. Naturellement, j'aimerais croire qu'elles n'existent pas. Malheureusement, c'est le contraire. Oui, je suis d'accord. Mais qu'il y ait des lapins aussi gros et aussi féroces que des loups, c'est inconcevable. Le code génétique de chaque chose vivante est contenu dans chacune des cellules de son organisme. Donc, en supposant que, par erreur, nous ayons introduit des cellules imparfaites dans l'un de ces lapins, on peut admettre la possibilité d'avoir créé une lignée nouvelle, une espèce en mutation... Amanda a vu d'énormes lapins. Non, vraiment, c'est difficile à croire et je ne le croirais pas avant d'en avoir vu un. Les seuls éléments que nous ayons, c'est ce qu'Amanda a dit. Et cette empreinte près du point d'eau. Je n'ose même pas penser que vous pourriez ramener un de ces lapins vivants. Extrait du film Night of the Lepus, Les Rongeurs de l'Apocalypse en français, un film dispensable de William Claxton avec pourtant regretté Janet Leigh et DeForest Kelley, mieux connu sous le rôle du docteur McCoy dans Star Trek. Voilà, c'était difficile de trouver des archives concernant des animaux géants, d'où ce petit clin d'œil à ce film que j'adore par ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'un lapin a la taille d'un lapin, Jean-Sébastien Steyer? Alors, la taille en fait des mammifères est liée au nombre de pulsations cardiaques, et ce nombre de pulsations cardiaques en fait est directement lié à la taille. Plus vous êtes grand, plus vous avez en fait un rythme cardiaque en général assez lent, plus vous allez vivre longtemps, et en même temps plus votre taille va être conditionnée par rapport en fait à votre surface de contact avec le milieu extérieur. En fait, cette surface de contact, ce rapport entre le volume et la surface est important et déterminant en fait pour la taille des organismes, parce que c'est ce rapport-là qui va permettre ou pas de mieux réguler votre température interne. Romain Garouste, sur cette expression « les êtres vivants sont optimisés pour vivre à la taille qui est la leur », est-ce que c'est une expression qui relève plus juste d'un effet de langage, ou est-ce qu'il y a effectivement, naturellement, une sorte de physiologie idéale qui bloque en quelque sorte les êtres vivants à cette taille qui est la leur? Oui, parce que effectivement, si vous faites un instantané à un moment donné, vous allez effectivement avoir l'expression, je dirais, d'une optimisation par rapport à des conditions actuelles données et puis, bien sûr, à une histoire évolutive. Par contre, il ne faut pas voir les organismes biologiques qui vivent dans un environnement fixe et vraiment figé, et plutôt quelque chose d'évolutif, y compris dans le temps. Donc, on va avoir vraiment des expressions à un moment donné, mais qui sont aussi l'expression, finalement, d'une dynamique passée, mais également en cours. Avec un peu de méthode, on serait capable de mettre en évidence pour comprendre, justement, cette microévolution qui permet aux organismes de, je dirais, adapter leur taille corporelle et d'autres éléments de leur physiologie. Si on reste un instant, Jean-Sébastien Steyer, dans le domaine de la science-fiction, par exemple, qu'on avait une machine à agrandir ou une machine à rapetisser, si on agrandit, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que le métabolisme, par exemple, d'une souris, si on la projetait à la taille d'un éléphant, ça la ferait exploser, elle ne pourrait pas survivre et inversement. Alors peut-être que ça la ferait exploser, ou alors au contraire, en fait, la souris adapterait idéalement en fait son rythme cardiaque et sa thermorégulation en fonction de cette nouvelle taille et donc de ce nouveau volume en fait, parce que le volume augmente, c'est une dimension au cube, donc le volume va augmenter encore plus vite en fait que la taille ou que la surface corporelle qui est assez importante. Mais ce qu'on observe quand même, c'est que c'est possible dans l'évolution des espèces, finalement pratiquement tous les groupes ou quasiment tous les grands groupes naturels, tous les clades, en fait, présentent à chaque fois, au cours des temps géologiques, une forme, un genre, une espèce, en fait, qui atteint une taille qu'on considère, nous, gigantesque. On va voir un peu ça effectivement justement en paléontologie et on va jeter un œil dans le passé. Mais ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que la taille, vous l'avez dit Jean-Sébastien Steyer, on peut peut-être aller un peu plus loin là-dedans. C'est-à-dire que effectivement il y a le besoin de réguler la température. Or plus on est gros, plus le volume augmente, plus la chaleur augmente et donc plus cette chaleur augmente, et bien plus il faut la réguler pour pouvoir et bien maintenir son métabolisme. Son homéothermie, si vous voulez. Vous pouvez essayer de nous expliquer un peu comment ça marche, ce mécanisme? Oui, tout à fait. Alors, surtout chez les mammifères, en fait, plus vous êtes volumineux, plus vous allez avoir une sorte d'inertie corporelle qui fait que votre corps va se dispenser, finalement, de plus en plus des conditions externes. En fait, votre température est quasiment auto-régulée et donc vous allez avoir quand même besoin d'évacuer votre chaleur ou au contraire d'en capter à l'extérieur, mais finalement votre masse, votre volume va faire en sorte que vous êtes quand même peu affecté par des variations de température potentielles de l'environnement. Par contre, au contraire, quand vous êtes petit, votre surface de contact est très forte par rapport à votre volume très restreint, et là vous allez devoir pulser au niveau cardiaque. Votre rythme cardiaque, en fait, va augmenter et du coup, votre longévité, en fait, va diminuer. Donc, il y a un rapport comme ça assez important entre la taille, la thermorégulation et puis la longévité, en fait, des organismes. Et notamment chez les mammifères, ça se voit assez bien. C'est ce qui explique en quelques mots, Romain Garousse, le fait qu'effectivement les petits mammifères ont des rythmes cardiaques extrêmement élevés et donc d'ailleurs pourquoi, et donc peut-être qu'on peut expliquer ça, que le nombre de pulsations cardiaques est finalement quasiment la même, mais que du coup ça ralentit eh bien la durée de vie puisque le cœur bat plus vite. C'est quelque chose comme ça, Romain Garousse? Oui, c'est quelque chose qui se fait exactement de cette manière-là, et c'est quelque chose que l'on ne voit pas du tout chez les invertébrés, puisqu'on a un système à la fois de régulation thermique et également de circulation sanguine qui est tout à fait différent, qui ne passe pas par ce muscle spécialisé qu'est le cœur, mais par tout un ensemble de dispositifs physiologiques, donc des parties pulsatiles effectivement qui vont aider à cette circulation, mais surtout ce sont les propres mouvements du corps, les propres mouvements de l'organisme qui participent complètement à cette physiologie donc de la régulation thermique et également de la répartition de l'énergie dans les diverses fonctions physiologiques. Ce qui explique d'ailleurs une règle qu'on appelle la règle de Bergman, qui c'est Romain Garroust, qui implique que les individus d'un taxon particulier tendent à avoir une masse corporelle plus importante dans les climats froids, parce que bien précisément dans les climats froids il faut grossir justement pour produire plus de chaleur, c'est cela ? Oui, il faut produire plus de chaleur et puis se protéger du froid. Donc tout cela passe par, je dirais, une optimisation du volume par rapport à la surface. Et donc on a besoin, pour avoir ces volumes importants, finalement, d'avoir une masse corporelle importante. Mais il y a quand même beaucoup de facteurs écologiques qui viennent s'insérer dans ces explications, qui font que ce sont quand même les relations entre les organismes qui sont peut-être les principaux, facteurs, les principaux moteurs de l'évolution des organismes, de l'évolution de leur forme et de leur taille. C'est-à-dire que même s'il y a des possibilités physiologiques qui vont vers un type d'optimum de taille d'une certaine, d'un certain rapport, c'est quand même l'expression des équilibres écologiques, donc au sein des communautés, qui va moduler, cette expression par justement les rapports qu'ils vont entretenir entre eux et puis avec les autres organismes présents dans les mêmes écosystèmes. Jean-Sébastien Steyer, sur cette règle de Bergman, on prend souvent comme modèle l'ours, en disant bien l'ours, plus on va au nord, plus il est de grande taille, et les ours qui sont des ours équatoriaux sont plutôt des ours nains. Oui, tout à fait. Alors c'est une loi entre guillemets, parce que c'est une observation statistique, mais effectivement, il y a des exceptions qui confirment finalement la règle. Et puis il y a les relations trophiques, les relations avec les autres espèces qui sont aussi déterminantes. En général, plus vous avez de la nourriture à disponibilité, plus vous avez d'espace et moins de prédateurs, plus vous allez avoir une taille gigantesque. Comme ça s'observe bien aujourd'hui chez les reptiles, par exemple. On va voir, on va remonter l'échelle du temps, on va essayer de comprendre, parce que quand on parle d'ours, on est à des tailles qui sont encore acceptables. Quand on remonte dans le passé, on a évidemment tous et toutes en tête ces dinosaures immenses. Pourquoi le gigantisme est-il apparu à un moment donné de l'évolution et pourquoi ne s'est-il pas reproduit à cette échelle? C'est ce dont nous allons parler dans un instant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc de gigantisme animal en compagnie de Jean-Sébastien Steyer et de Romain Garroust. À quel moment de l'évolution apparaissent les premiers animaux géants au sens vraiment de ces très très gros animaux, et on pense surtout aux gros herbivores du règne des dinosaures, Jean-Sébastien Steyer? Ben, j'ai envie de dire qu'ils apparaissent en fait tout le temps, parce que, alors c'est vrai qu'on zoome beaucoup sur les grands dinosaures sauropodes avec des longs coups et des longues queues, et certains pouvaient même atteindre presque la centaine de tonnes en fonction des estimations, parce que malheureusement les squelettes sont pas connus d'une manière complète. Je pense par exemple à Argentinosaurus qui détient pour l'instant le record de poids, 90 ou une centaine de tonnes, et de taille. On a un animal qui fait 35 mètres de long. Il date en fait du Crétacé supérieur. Il a été découvert, comme son nom l'indique, en Argentine. Mais aujourd'hui, il y a plus gros que ce sauropode géant qui est connu sur Terre, ou plutôt dans la mer, avec, vous l'avez bien cité, la baleine bleue, qui a une taille de 30 mètres pour les plus grands spécimens en fait jamais mesurés. Et sa masse est supérieure en fait à celle des grands sauropodes. On a des animaux parfois de plus de 150 tonnes. Donc on a affaire encore aujourd'hui à des géants, mais qui sont différents. On est dans un autre groupe, les mammifères, et dans un autre milieu, en fait, qui est le milieu marin. Voilà, mais on verra que effectivement le milieu marin détermine beaucoup de choses et permet des choses que ne permet pas plus ou peut-être plus le milieu terrestre. On va d'ailleurs essayer de comprendre ça parce que c'est effectivement assez passionnant. Romain Garouste, sur l'apparition du gigantisme, effectivement, on pense, comme vient de le dire Jean-Sébastien Steyer, au grand sauropode herbivore, mais quels sont les plus anciens? Est-ce qu'on comprend pourquoi à un moment donné, il y a une sorte d'escalade de la taille, justement, bien à peu près à cette époque du Crétacé? Alors, en tout cas, pour les insectes, c'est pas une période de forme géante, ou en tout cas très spectaculairement plus grande que celle d'aujourd'hui, puisqu'en finalement, ce gigantisme, on va le comparer par rapport à une référence, et la référence, on va dire, c'est plutôt aujourd'hui. Et effectivement, actuellement, dans le domaine terrestre, il n'y a pas, ou en tout cas, il n'y a plus de forme aussi grande que celle des anciens théropodes au Crétacé. Donc, on pense que cette escalade, effectivement, est en fait une sorte de course aux armements qui va permettre à des formes peut-être moins dotées, moins agressives que des prédateurs, de compenser, si vous voulez, leur fragilité, leur caractère de proie par la taille. C'est-à-dire que un individu qui sera immense et qui sera beaucoup plus complexe à être attrapé par un prédateur, le prédateur devra lui-même avoir, je dirais, des capacités de combat, des dispositifs anatomiques pour attraper, donc des dents, des griffes, etc., hors normes pour pouvoir atteindre ces prédateurs. Donc finalement, c'est une adaptation pour échapper aux prédateurs. Il y a une autre règle, on a parlé de la règle de Bergman qui détermine la taille en fonction de la latitude, en tout cas de la froideur du climat ou de la chaleur du climat. Il y a une autre règle qui s'appelle la règle de Cope qui dit que la taille a tendance à s'accroître, Romain Garouste, avec le temps d'évolution, c'est-à-dire que naturellement, tous les organismes, quand ils commencent bien à se répandre ou à être dans une sorte de stabilité écosystémique, finissent par prendre en taille, en grandeur. Ben oui, c'est tout simplement l'expression de ce que je viens de vous dire. C'est cette, si vous voulez, cette optimisation. À partir du moment où les organismes sont bien optimisés par rapport aux sources trophiques, qui sont moins en compétition les uns les autres, ça veut dire qu'ils vont pouvoir arriver à ce niveau de taille, notamment pour échapper à leurs prédateurs. Mais par contre, ce sont des règles qui sont plus valables quand on s'adresse, par exemple, à des milieux très particuliers, que sont les îles. Les îles, c'est très important, que ce soit actuellement ou quand on regarde les faunes passées des îles, hein, quand on regarde vraiment les faunes anciennes des îles, on s'aperçoit qu'il y avait aussi bien dans certaines îles des formes gigantesques, mais aussi bien des formes dans les mêmes groupes, hein, comme par exemple les éléphants, il y avait aussi des formes naines. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y avait les îles étant des raccourcis d'écosystèmes, c'est-à-dire bien avec moins d'espèces, moins de prédateurs, moins de compétition, eh bien là, cette course aux armements, elle n'a plus lieu d'être, et les formes n'ont pas besoin d'être aussi grandes. Et par exemple, si elles ont été peuplées, si ces îles ont été peuplées à partir d'animaux, on va dire, de taille moyenne, eh bien plutôt que de continuer à grandir comme sur le continent où la compétition a continué, eh bien sur les îles, ça va plutôt être une décroissance de taille. Oui, on parle de nanisme insulaire, Jean-Sébastien Steyer, mais ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression que ça fonctionne un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que, eh bien, si bien une espèce se retrouve isolée sur une île et puis en l'absence d'un prédateur, en même temps, elle va continuer certes à croître un petit peu puisque elle n'aura plus personne pour l'empêcher, pour s'attaquer à elle. Et d'un autre côté, eh bien finalement, elle aura pas besoin. Elle arrive à une sorte de stase où les espèces un peu plus grandes, elles vont réduire de taille parce qu'elles auront plus besoin d'être aussi grandes. Donc on est un peu dans une sorte de mouvement contradictoire, non? Oui, c'est contradictoire en fonction de la taille initiale en fait de l'ancêtre commun. C'est ce qu'on appelle en fait l'évolution insulaire. En général, les grands herbivores comme les éléphants deviennent petits sur une île et inversement, les petits rongeurs peuvent avoir des tailles assez considérables. Je pense aux rongeurs fossiles par exemple qui sont découverts sur les îles méditerranéennes. Les éléphants nains, par exemple, quand les Grecs, sur ces îles-là méditerranéennes, découvraient des ossements en fait, fossiles, et notamment des crânes avec quand même des tailles assez respectables, plus grandes que des crânes humains, et puis cette espèce de fosse centrale qui permettait l'insertion en fait, de la trompe, eh bien, ces Grecs, ces premiers finalement paléontologues, pensaient avoir affaire à des cyclopes. D'accord. Mais oui. Allez-y, je vous en prie. On voit que, alors, d'une certaine façon, le milieu façonne et modèle en fait la taille des organismes. Et puis, il y a aussi la rapidité ou le taux d'évolution. Contrairement à la loi de Dolo, en fait, le gigantisme peut apparaître assez rapidement. Il suffit que vous soyez le premier dans un environnement donné, ou alors le seul dans cet environnement en question. Si vous avez une croissance continue, vous pouvez atteindre assez facilement, je dirais, des tailles considérables, ou en tout cas considérées comme géantes par rapport à votre ancêtre. Mmh. Alors, c'est intéressant parce que ce gigantisme, il faut le soutenir hein, en termes physiologiques, en termes évolutifs. Plus on est gros, plus on a en général besoin de manger, mais ça pose aussi des questions d'évacuation de la chaleur, ça pose des questions de taille et d'équilibre. Je pense notamment, Jean-Sébastien Steyer, à la taille du cou, à la question de la taille de l'encéphale, donc de la taille de la tête. Tout ça, ça demande une sorte de numéro d'équilibrisme physiologique pour que ça puisse fonctionner correctement. Oui, tout à fait. Finalement, être géant, c'est aussi un subtil dosage entre ce qu'on appelle la thermorégulation et ce qu'on étudie aussi grâce à la biomécanique, c'est-à-dire la pression que vous allez exercer sur vos articulations. Elle n'est pas infinie, en fait. Vous êtes constitué, quand vous êtes un vertébré, bien sûr, vous êtes constitué d'un squelette interne qui est lui-même constitué, en fait, d'os. Et l'os, c'est un matériau qui a ses limites. Et on pense, nous, paléontologues, d'après nos modèles, que si vous dépassez 120 tonnes en termes de masse et que vous êtes un vertébré terrestre, c'est-à-dire que vous vous déplacez avec vos quatre membres sur la terre ferme, vous allez toucher du doigt cette limite physique, en fait, et du coup, on est dans une sorte de seuil qui ne permet pas, au-delà de 120 tonnes, d'imaginer des formes de vie plus grandes ou en tout cas plus lourdes. 120 tonnes à terre, une réaction peut-être, Romain Garous, sur cette notion de taille limite ou de poids limite. Il y a effectivement une limite au gigantisme terrestre. On parlera tout à l'heure des insectes et également du gigantisme marin. Mais pour rester encore un peu sur le gigantisme terrestre et ces dinosaures géants. Je crois que forcément il y a une limite parce que après il y a, je dirais, une limite dans l'adaptabilité des organismes. Donc, si pour atteindre ces proies, pour atteindre cette adaptation vers le fait de s'éloigner des risques des prédateurs et tout ça, il y a forcément à un moment donné une limite à aux adaptations physiologiques. Et ces limites, en plus, elles sont souvent exercées dans le cadre des modifications du climat, c'est-à-dire que les climats ne sont pas fixes, ne sont pas à travers le temps. Donc à partir du moment où les organismes déjà se déplacent même pour échapper aux affres du climat, et s'il y a des périodes de changement climatique, donc au cours du temps, il est forcé que ces limites-là s'exercent. Et je pense que c'est ce qui a été le cas pour à la fin du Crétacé avec les dinosaures, c'est-à-dire bien avant leur extinction. Je pense que les formes géantes étaient déjà leur taille était déjà en régression parce qu'il y avait un changement climatique important qui s'est étalé bien sûr sur des millions d'années, mais qui a vu justement donner un coup d'arrêt, je dirais, à cette course en avant de toutes ces formes géantes, parce que forcément on a vu les prédateurs qui ont suivi aussi pour aussi atteindre des formes assez imposante que nous connaissons tous. Il y a évidemment les limites liées au déplacement terrestre, il y a aussi les limites liées au vol, hein, Jean-Sébastien Steyer, avec notamment les ptérosaures dont on a longtemps pensé qu'ils avaient du mal ou qu'ils pouvaient presque ne pas voler du tout tellement ils étaient lourds. Oui, tout à fait, les ptérosaures, c'était des reptiles en fait qui évoluaient dans le ciel à l'époque des dinosaures. Et avant, finalement, la découverte du plus grand des ptérosaures connus à l'heure actuelle, qui s'appelle Quetzalcoatlus, on pensait, d'après nos modèles, que au-delà de 6 mètres, 7 mètres, allez, 8 mètres à tout casser, d'envergure, on ne pouvait pas imaginer, en fait, un ptérosaure voler. Or, quelques années plus tard, on a découvert, en fait, un squelette partiel, certes, mais attribué à un ptérosaure dont la reconstitution complète donne un bestiau de 11 mètres, enfin 10 à 11 mètres d'envergure. Donc là, on a revu nos copies en termes de biomécanique. Et d'ailleurs, il y a certains collègues qui préfèrent imaginer et reconstruire en fait le Quetzalcoatlus d'une manière terrestre. C'est un animal quand même assez impressionnant. On a, avec la tête et le cou, déjà une longueur de 3 mètres. Il était extrêmement grand et volant. On a un poids estimé à environ 200 kilos, ce qui est quand même assez léger par rapport à l'envergure, par rapport à la taille. Et si on imagine, et on connaît bien en fait les ossements de ptérosaures, on les étudie d'une manière fine et précise grâce à ce qu'on appelle des conservations exceptionnelles, on sait que les os étaient creux, que les crânes étaient extrêmement ouverts, extrêmement fenestrés, ils présentaient en fait des trous naturels un peu partout au niveau de la tête, et tout cela permettait en fait permettait de compenser, si vous voulez, la taille géante entre guillemets de ces formes de vie-là. On parle de structure d'allègement en ce qui concerne les géants qui évoluer en fait dans les airs. Une question, et puis on va laisser les dinosaures pour parler un peu des insectes, et puis parler ensuite du gigantisme actuel, et notamment du cas si particulier de la baleine bleue. Comment expliquer que en dehors de ces cas de gigantisme marin, de ces grands mammifères marins, ce gigantisme qui a quand même été vraiment pendant des millions, des dizaines, voire des centaines de millions d'années, une règle assez répandue à la surface de la Terre, comment expliquer qu'après l'extinction du Crétacé, ça ne se soit pas reproduit de la même façon? Est-ce qu'on a des hypothèses à ce sujet, Romain Garouste? En fait, on pense que ça s'est reproduit, mais bien sûr pas avec cette ampleur-là. Et puis parce que très tôt, en fait, il y a l'homme qui est arrivé quand même à la fin de tout ça, mais qui a un petit peu interrompu ces processus. Et puis il y a des sortes d'expériences naturelles. Donc, on parlait des îles tout à l'heure, mais je dirais que la dérive des continents, tous les déplacements des continents, alors bien sûr à une échelle de temps très longue, servent également de sortes d'expériences naturelles. Il y avait par exemple donc au cours du tertiaire une faune de très grands animaux, de très grands mammifères en Amérique du Sud, et à l'époque où l'Amérique du Sud finalement était isolée, un peu comme l'Australie du reste de la partie nord du continent américain, donc les faunes ont évolué un petit peu de manière insulaire, bon, à l'échelle d'un sous-continent quand même. Et finalement, quand il y a eu le rattachement par l'isthme de Panama, eh bien, il y a eu toute une faune d'Amérique du Nord qui s'est déversée dans l'Amérique du Sud et qui a causé l'extinction des grandes formes géantes. Donc, c'était les paresseux géants, des tatous géants, les glyptodons, qui étaient des formes quand même, ce qu'on a appelé souvent les animaux préhistoriques, parce qu'effectivement, il est possible que les premiers humains qui ont conquis donc l'Amérique, finalement, en aient rencontré quelques-uns. Et donc, il est possible qu'ils les aient un petit peu achevés quelque part. Donc, ces formes de mammifères géants existaient bien dans certains des continents. C'était aussi le cas en Australie, où il y a eu des formes géantes de mammifères primitifs, etc. Voilà, on ne peut pas dire que ça n'ait pas existé. Je crois qu'il y a toujours eu, si vous voulez, cette propension à ce que dans les lignées, donc effectivement, la règle de Koepp qui pousse les organismes à avoir des formes, on va dire, un petit peu optimales, jusqu'à des gigantismes. Gigantisme étant, bien sûr, quelque chose de tout à fait d'arbitraire, puisque c'est par rapport à une référence qui est celle, finalement, ce que nous connaissons. Bien sûr. Jean-Sébastien Steyer, sur cette question de la reproduction du gigantisme dans le règne animal. Oui, je pense que alors l'avantage finalement qu'avaient peut-être les reptiles dès le début de l'ère secondaire ou mésozoïque, c'est que quand on regarde les premiers dinosaures ou même les premiers amphibiens, ils étaient assez grands déjà, ils faisaient plusieurs mètres de long, ce qui n'était pas le cas des premiers mammifères peut-être, et donc on a après avec la croissance continue qui est assez propre en fait aux reptiles, en tout cas plus caractéristique des reptiles que des mammifères, on a deux avantages évolutifs. La croissance et la taille en fait des premiers représentants qui auraient pu aussi aider en fait ensuite à la diversification de ces grandes formes-là, parce que une fois qu'on a une taille entre guillemets respectable vis-à-vis des prédateurs, on est tranquille, on peut vivre suffisamment de temps en termes de temps individuel et en termes de temps évolutif pour ensuite donné naissance, entre guillemets, à des formes encore plus grandes. Donc, c'était peut-être pas le cas des mammifères à l'aube, en fait, de l'ère tertiaire ou du cénozoïque, mais en tout cas, on voit que l'évolution des espèces a bricolé, a toujours tenté, en fait, de développer des formes, soit, entre guillemets, impossibles, c'est-à-dire complètement originales, avec des caractères innovants, parfois, morphologiquement, très bizarres, qui nous paraissent bizarres, soit avec des tailles micro ou macroscopiques intéressantes en fonction des groupes et de leurs évolutions. On va continuer à parler du gigantisme, on va quitter ces aires tertiaires du passé pour s'approcher du présent, mais on va aussi y rester encore un peu pour parler des insectes. Imaginez-vous une libellule de 70 cm, on en parle dans un instant. Félix, Mad Science, 7 Club à 16h37 sur France Culture. Nous parlons de gigantisme animal tout au long de cette heure en compagnie de Jean-Sébastien Steyer qui est paléontologue CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle et Romain Garouste qui est paléo-entomologiste, écologue, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle et à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité. Nous l'évoquions tout à l'heure, il n'y a pas que les dinosaures qui étaient de belle taille, certains insectes aussi. Romain Garouste, vous travaillez sur certaines libellules géantes sur lesquelles vous travaillez avec une équipe de physiciens. Ce sont ces physiciens que vous avez rencontrés. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai rencontré Benjamin Thiria, qui est chercheur au laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes à l'ESPCI, et Roméo Antier, qui est doctorant au sein de l'équipe de Benjamin Thiria. Tous les deux s'intéressent à la locomotion animale, aux façons dont les animaux se déplacent ou volent, et pour étudier cela, ils étudient entre autres le vol des insectes à partir de modèles d'ailes qu'ils soumettent à des simulations de vol. Ces simulations sont ensuite observées pour comprendre les contraintes qui s'exercent sur les ailes des insectes, comme par exemple ces libellules géantes aujourd'hui disparues. Alors c'est essentiellement des recherches qui sont, on va dire, bio-inspirées, et on travaille beaucoup sur les animaux. En fait, on est très inspiré par la locomotion animale. Et donc on va essayer de comprendre comment les animaux se déplacent, comment ils se déplacent en groupe. Voilà, des choses comme ça. Alors vous travaillez sur un des sujets qui va nous intéresser. On va commencer vraiment par vos travaux les plus courants autour des libellules notamment. Comment vous travaillez sur la locomotion des libellules? Qu'est-ce que vous étudiez chez ces libellules-là et comment vous essayez de reproduire le vol des libellules en laboratoire? On vient de démarrer un projet là très récemment, mais ça fait plus longtemps qu'on travaille sur le vol des insectes, et notamment des grands insectes. Ce qu'on appelle les grands insectes, c'est les libellules en font partie, mais il va y avoir les papillons, des animaux comme cela. Et ce qu'on essaie de voir, c'est comment le fait que l'aile soit déformable va jouer dans la façon dont ces animaux-là vont pouvoir se mouvoir. Et donc la façon dont on appréhende ces problèmes-là, c'est en faisant des modèles très simplifiés d'ailes d'insectes avec des plastiques dont on contrôle bien les propriétés physiques. Et puis on les fait travailler en battement, donc en configuration de vol battu. et on essaye de regarder les propriétés qui en sortent. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu le protocole expérimental de ces tests-là? Et puis, voilà, comment, là, on a à côté de nous une petite aile qui a été disposée. Comment vous allez les observer, ces modèles-là? Et qu'est-ce que vous allez étudier? Oui, alors ce qu'on voit là, c'est un modèle qui est très simplifié d'insectes et d'ailes d'insectes. Donc on a juste un petit système mécanique qui permet de faire du battement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer l'aile artificielle à faire des mouvements verticaux de bas en haut, périodiques. Et en fait, grâce à ça, on va créer de la propulsion. Et cette propulsion-là, on va pouvoir la mesurer avec des capteurs de force qu'on a. On va pouvoir aussi visualiser la façon dont l'aile se déforme. Pour ça, on utilise de l'imagerie rapide. Et puis, voilà, donc on va pouvoir mesurer les forces, puis les déformations de l'aile. Alors ça, c'est dans le contexte d'études sur des insectes tels qu'on les connaît aujourd'hui. On reçoit dans notre émission Romain Garouste, qui lui travaille sur une espèce de libellule géante, entre autres. En quoi va consister votre collaboration et quelle sera la nature de ce travail de recherche ? Alors oui, il se trouve qu'on a rencontré Romain Garouste il n'y a pas très longtemps et qu'on a un projet qui a été financé par le CNRS pour travailler sur les libellules géantes, qui est une de ses spécialités à lui. Il nous a parlé de ces libellules, donc qui étaient des libellules géantes qui n'existent plus, mais dont on a des fossiles. Et donc l'idée, ce serait de reprendre les grandes caractéristiques des ailes de ces fossiles et puis de les tester comme on a l'habitude de le faire ici au laboratoire. Et puis du coup, d'essayer de comprendre un petit peu la façon dont ces animaux volaient à l'époque. Voilà. Vous n'êtes pas paléontologue, donc je ne vais pas vous demander de décrire ces libellules-là, ça ce sera le travail de Romain Garouste, mais comment vous intégrez ces contraintes de taille chez ces libellules-là dans les modèles que vous allez reproduire, et puis qu'est-ce que ça peut impliquer comme différence avec les libellules actuelles? Voilà, ça je ne pourrais pas vraiment vous répondre parce qu'on ne sait pas encore. Par contre, sur les effets de taille, en fait, on peut faire en physique ce qu'on appelle des mises à l'échelle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les propriétés, donc par exemple la longueur de l'aile par rapport à son élasticité ou des choses comme ça. Et on peut reproduire en laboratoire des modèles qui sont plus simples, mais qui reproduisent fidèlement les mécanismes de ces grands insectes. Donc la taille n'est pas vraiment un problème. Nous, on va surtout s'intéresser, je pense, à la structure de l'aile, donc plutôt à sa forme, et puis savoir comment elle est rigidifiée par les réseaux de veines dont je parlais tout à l'heure, justement. Donc moi je m'appelle Roméo, je suis donc en thèse avec Benjamin et donc Ramiro. Donc moi je travaille donc spécifiquement sur les ailes d'insectes, donc là c'est plus moi intéressé sur les ailes de lucioles pour le coup, mais c'est finalement assez différent des ailes de libellules. Les ailes de libellules, comme elles ont quatre ailes, elles sont des ailes très fines, donc du coup on va être une rigidité plutôt homogène, alors que sur les ailes de lucioles pour le coup on va être des ailes assez grandes mais uniques, enfin par paire. Et donc du coup elles ont vraiment ce rôle de veine qui sera très pertinent dans la création de force. Est-ce que vous pourriez me rappeler un petit peu le rôle de ces veines-là dans les ailes, parce que je crois que c'est assez crucial? Alors justement, du coup, elles ont principalement deux rôles. Donc, le premier rôle, donc, c'est ce qu'on appelle la veine de bord d'attaque, c'est-à-dire c'est elle qui va permettre une pénétration dans l'air de l'aile sans qu'elle se plie. Et enfin, une deuxième veine qui va être plutôt une aile plutôt de support, de rigidification, qui va être plutôt transverse par rapport à l'aile, et qui va permettre vraiment de supporter la membrane, qui elle est vraiment très souple, puisque c'est de la peau. Et du coup, donc ainsi, permettre une déformation, notamment de pli de l'aile quand elle va monter ou en descente par rapport au mouvement de l'insecte. Si on en vient au modèle que vous développez là, comment vous les fabriquez? Alors, comment on les fabrique? Comme disait Benjamin tout à l'heure, c'est vraiment très simple. C'est vraiment, on prend des feuilles de millard, donc en gros de plastique, de bouteilles d'eau, qu'on vient découper aux dimensions qui nous intéressent. Et ensuite, on vient les coller entre elles grâce à des scotch double face, donc de manière extrêmement simple qu'on peut faire chez soi. Et ensuite, on les assemble sur un petit système de battement. Si on en revient à cette collaboration avec Romain Garouste du Muséum, quels vont être les premiers travaux, les premiers tests que vous allez réaliser? Je pense que les premiers tests qu'on va réaliser, c'est déjà d'essayer de trouver une forme simplifiée de l'aile des libellules géantes. Et puis ensuite, on fera ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire de la tester d'un point de vue aérodynamique, c'est-à-dire qu'on va la tester, on va mesurer les performances de l'aile en fait. Et donc pour ça, on a deux façons de le faire. C'est de tester ça en soufflerie, c'est-à-dire qu'on impose une vitesse de déplacement avec un tunnel qui souffle de l'air, et puis aussi en ce qu'on appelle nous en statique, c'est-à-dire qu'on va regarder juste la déformation de l'aile dans le référentiel du laboratoire. Voilà le reportage sur la mécanique de vol notamment et des ailes de ces libellules géantes. Romain Garouste, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Bah écoutez, ils ont très bien résumé le projet qu'on est en train de commencer, voilà, comme vous l'avez compris. Donc on est très content effectivement de lancer ce projet. On a été un petit peu retardé pour des raisons Covid, effectivement pour lancer, je dirais, les dispositifs expérimentaux, mais ça va se faire. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment on peut passer effectivement par cette voie expérimentale qui va nous permettre d'ouvrir plein de questionnements, enfin plutôt des pistes de réponse à nos questionnements, qui sont des questionnements à la fois évolutifs, mais à la fois, j'ai envie de dire, concrets et applicables, parce que ce que nous tentons avec ce projet, c'est de mettre en place vraiment, j'ai envie de dire, une nouvelle discipline. Vous connaissez tous, on en parle beaucoup, et c'est une réalité très utile, qui est la bio-inspiration. Eh bien, nous, nous essayons de montrer que la paléo-inspiration, c'est-à-dire aller chercher dans les formes vivantes du passé, qui finalement sont bien plus nombreuses que celles de l'actuel, on peut aller chercher dans les formes du passé des solutions utilisables pour les applications actuelles et des applications tout à fait intéressantes. Et c'est donnant-donnant, puisque la biologie évolutive, la paléontologie, a également beaucoup de choses à comprendre grâce à ces expérimentations pour vraiment avancer dans la compréhension de nos écosystèmes du passé. Mais comment on explique, Romain Garouste, ces formes géantes, hein, la libellule dont il est question ferait environ 70 cm, ce qui est tout de même une belle taille, hein, si vous vous imaginez vous tomber nez à nez avec une libellule de 70 cm, je pense que en général on fait pas trop le malin. Elle s'appelle Meganeura moni, c'est ça? Alors il y a eu plusieurs formes, en tout cas une des plus connues, la première qui a été décrite, est une espèce qui a été trouvée en France, effectivement, donc Meganeura moni, c'est ce qui a donné le nom de la famille, hein, les méganeurides. Depuis, on en a trouvé un peu partout dans le monde. Hein, donc, ça vient d'une période qui va du Carbonifère à la fin du Permien. Donc, ces organismes ont tous disparu à la fin du Permien. C'est-à-dire, pour nous donner, combien d'années la fin du Permien, c'est? Alors, on parle, la fin du Permien, c'est il y a 270 millions d'années. C'est ça. Et les premières formes de libellules de grande taille sont connues depuis 330 millions d'années. Donc, on va dire un peu plus de 100 millions d'années. Donc, à la fin du Paléozoïque, donc, vous voyez, c'est cette période où ces grandes insectes, comme les libellules, mais il y a d'autres formes, dont des formes d'ailleurs complètement disparues. Il y avait aussi des insectes avec trois paires d'ailes. Donc, voilà, il y avait quand même une faune d'insectes assez particulière à cette période-là. On a cru d'ailleurs longtemps que, de la même manière que vous avez ouvert tout à l'heure en nous parlant de la gigantologie, effectivement, on a cru longtemps que cette période-là, pour les insectes, était une période de gigantologie. Et finalement, en regardant de plus près, on s'est aperçu qu'à côté, on va dire sous les ailes de ces grandes formes géantes, finalement, existait aussi une faune d'insectes tout à fait normale, en tout cas classique, y compris de quelques millimètres. Si pour répondre à votre question, si vous me permettez. Bien sûr, je vous en prie. Finalement, le fait qu'il y ait ces grandes formes, mais à côté des petites formes normales, ça prouve bien que peut-être que les théories qui ont été émises sur la forte teneur d'oxygène dans l'air, dioxygène, finalement, était peut-être un facilitateur, probablement, pour ces grandes formes volantes, hein, puisque les insectes respirent quand même de manière assez différente des autres groupes d'organismes, hein, puisque ce sont des trachées. Ce sont des trachées dans lesquelles, effectivement, l'oxygène diffuse, mais ce n'est pas non plus des trachées qui sont totalement inertes, et la diffusion, elle est quand même souvent aidée par des mouvements musculaires, par le déplacement des organismes, par des dispositifs physiologiques qui vont aider à la ventilation. Donc, c'est pas totalement une diffusion inerte qui va permettre la respiration. Et donc, cet oxygène, mais comme facteur pas forcément prépondérant, associé à l'inexistence de formes prédatrices, eh bien, ça a mis en place une course aux armements, et donc des formes géantes d'insectes prédatrices, là, probablement, sont apparues. Jusqu'à ce qu'elle soit probablement contrée par les premiers vertébrés volants. Alors c'est intéressant, on vous a mis hein, sur notre fil Twitter le schéma du système respiratoire des insectes qui est évidemment radicalement différent de celui des vertébrés. C'est intéressant cette hypothèse de la teneur en oxygène, puisque à cette époque, donc aux alentours de 200-300 millions d'années, la teneur en oxygène de la Terre est bien supérieure. On parle de 35% d'oxygène dans l'air contre une vingtaine de pourcents aujourd'hui, ce qui aurait en fait quasiment mécaniquement permis ces formes géantes qui seraient aujourd'hui physiologiquement et physiquement impossibles avec une teneur en oxygène de 21%. C'est confirmé ça, Romain Garouste ? Non, c'est pas confirmé, parce que la seule façon de confirmer, donc ça a été des expériences, il existe, hein, des physiologistes qui ont étudié dans des dispositifs expérimentaux, dans des populations de vers de farine, des choses comme ça, des coléoptères. Effectivement, l'influence de l'oxygène. Ils se sont aperçus qu'effectivement, l'oxygène influait sur la taille corporelle. Mais, je dirais, de quelques pourcentages. Là, nous, on a affaire à quelque chose qui était, je dirais, des écosystèmes nouveaux, qui étaient vraiment en train de se mettre en place. La conquête du milieu aérien était nouvelle. Il n'y avait aucun organisme volant à l'époque de ces insectes géants volants. Il n'y avait pas d'autres organismes volants. Mmh. Et donc, il y a eu probablement une montée en puissance de cette taille jusqu'à ce que les concurrents arrivent. Et bien entendu, l'oxygène a été plutôt un facilitateur. Il y avait probablement aussi le fait que la densité de l'air était un petit peu différente, peut-être l'air un petit peu plus dense. Et finalement, qui permettait... Alors, aider non pas forcément d'ailleurs le vol battu, mais plutôt le vol glissé. Voilà, et c'est ça qu'on essaye d'ailleurs de mettre en exergue dans notre collaboration avec les biophysiciens. C'est la manière en fait dont on va pouvoir nous élaborer de nouvelles hypothèses par rapport au vol de ces insectes, par rapport à l'influence justement de la densité de l'air, par rapport à l'influence de la teneur en oxygène, parce que on va pouvoir tout ça le tester plus ou moins en soufflerie ou en tout cas en conditions contrôlées. Avec ces fameux modèles simplifiés, on va pouvoir tester tout cela et voir quelle est l'efficacité de tout ça. Alors bien sûr, pas l'aspect physiologique, mais uniquement déjà l'aspect biophysique du vol. C'est déjà important. Dernière question sur ces insectes géants, Romain Garouste. De même que pour les dinosaures, comment se fait-il qu'on ne retrouve pas ? Est-ce que on a des hypothèses qui permettent de justifier le fait qu'aujourd'hui et que par la suite, les insectes sont restés bien aux tailles que l'on connaît ? Alors même s'il y a des insectes et s'il y a des versions plus imposantes que d'autres, notamment dans les écosystèmes équatoriaux, pourquoi est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a, là aussi, il y a une limite mécanique ou physique et serait celle aujourd'hui de la taille des insectes que l'on connaît. Alors vous voyez, par rapport à la règle que vous avez énoncée tout à l'heure, la règle de Bergman, par rapport à l'augmentation de la taille par rapport à la latitude, là c'est le contraire, c'est plutôt dans les milieux équatoriaux que la taille prend des proportions assez importantes, et donc vous avez des scarabées, vous avez le plus grand insecte vivant aujourd'hui, qui fait quand même plus de 50 cm de long, donc c'est un phasme géant qui est grand comme le bras, donc qui est finalement pas si plus petit que ça que la fameuse libellule géante. Mmh. Vous avez des coléoptères en Guyane qui font 20 cm de long et qui font 300 grammes. Quand vous en recevez un sur l'épaule, je peux vous dire que vous voilà. Et finalement, vous apercevez que la taille de leur corps, enfin en tout cas l'épaisseur du corps, la taille des segments, sont bien plus importants finalement que la taille des libellules géantes, qui avaient des petits corps par rapport aux libellules d'aujourd'hui. Donc vous voyez, ce sont quand même des organismes qui ressemblent, ils sont dans les mêmes lignées évolutives, mais ils sont quand même très différents. Et je dirais que aujourd'hui, là, pour le gigantisme, enfin en tout cas pour les formes de grande taille que l'on trouve dans les milieux équatoriaux, eh bien là on voit, c'est encore un facteur écologique. C'est finalement l'accès à la nourriture, donc c'est vraiment l'abondance trophique et la température. Donc si vous voulez, finalement, il n'y a pas de facteur limitant pour ces organismes. et donc on peut atteindre des tailles relativement importantes. J'aimerais qu'on conclue par le présent et notamment par la question des baleines et de cette baleine bleue, Jean-Sébastien Steyer, donc qui est aujourd'hui le plus gros organisme vivant que l'on connaisse a priori hein, et jusqu'à preuve du contraire de l'histoire de la faune terrestre. Et ce qui est assez particulier, c'est que le gigantisme des baleines, lui, est pour le coup plutôt récent dans l'histoire évolutive. Oui, c'est assez récent, c'est quelques millions d'années, ce qui est hier à l'échelle des temps géologiques. Alors effectivement, la baleine bleue, du coup, devient le plus gros animal, enfin en tout cas l'animal le plus grand et le plus lourd connu, mais si on élargit en fait le spectre, on se rend compte que finalement les formes de vie les plus grandes, ce ne sont pas les animaux, ni mammifères, ni reptiles, ni arthropodes ou autres, ce sont les plantes et même les champignons. Puisqu'on a un champignon en fait qui est extrêmement étendu en sous-sol, on appelle ça en fait le réseau micellaire, c'est entre guillemets les racines en fait des champignons qui sont interconnectés et qui structurent, qui forment en fait des structures vitales de plusieurs kilomètres carrés. Donc le record finalement en ce qui concerne des formes de vie géantes, ce sont pour l'instant les champignons pour la top position, et la deuxième position en fait ce sont toujours pas les animaux, ce sont les plantes, les végétaux avec des séquoias par exemple ou des eucalyptus qui peuvent atteindre des tailles de 100 mètres de hauteur. Et est-ce que un mot tout de même sur les grands mammifères, en l'occurrence les baleines et les éléphants, est-ce que on peut dire en quelques mots, Jean-Sébastien Steyer, aujourd'hui que leur taille est devenue vraisemblablement un handicap face aux modifications et notamment à la fragmentation de leur habitat? Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, leur gigantisme en fait est face à nous comme un retour de boomerang, puisque tout ce qui est gros et prend de la place nous gêne. Nous, en tant qu'espèce, et donc ce sont les premières victimes, enfin parmi, malheureusement, les premières victimes de l'impact anthropique écologique important, puisque les baleines sont en voie d'extinction aujourd'hui, tout comme les éléphants. On a plus de chances d'en rencontrer maintenant plus dans les parcs zoologiques ou dans les réserves en fait zoologiques qu'en milieu vraiment naturel. Donc effectivement, là, il y a comme avec l'homme une sorte de d'inconvénients d'être géant aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer, pour conclure, Romain Garouste, que si l'homme finissait par disparaître ou sa population réduire drastiquement la surface de la planète, on retrouverait d'ici quelques centaines de milliers, quelques millions d'années, des animaux de plus grande taille, que c'est la présence de l'homme qui contraint d'une certaine manière la taille des espèces sauvages? Oh oui. Oh oui, complètement. Oui, oui, et bien d'autres choses encore. Mais bien sûr. Tout à fait. Et l'évolution, je dirais, et la diversité, voilà, donc des organismes et la diversité des habitats, et donc forcément, il y a une incidence sur l'évolution et donc forcément la taille. On pourrait imaginer, on peut très bien faire des expériences. C'est ce qu'on fait en fait dans les îles actuellement, puisque dans les îles justement, on a enlevé finalement des organismes, et on voit comment ceux qui restent s'organisent, réagissent. Et donc sous cela, on voit à peu près, on pourrait assez bien, je pense, sans trop se tromper, en mettant en perspective toutes ces petites micro-évolutions que l'on arrive à mettre en évidence, on pourrait, je pense, sans trop se tromper. Alors bien sûr, après, il y a l'évolution du climat, ça c'est encore autre chose, c'est un autre facteur qui entre en jeu. Alors, il faut bien comprendre que tout ce que nous avons discuté aujourd'hui, ce sont quand même des choses qui rentrent dans des systèmes multifactoriels. Il est très difficile de dégager forcément un seul facteur déterminant pour aller dans un sens ou dans l'autre. Donc on a affaire vraiment à des systèmes multifactoriels. La vie sur notre planète est vraiment quelque chose de multifactoriel, et il faut du coup envisager tous ces aspects pour essayer de les comprendre. Mais en tout cas, je pense qu'on n'aurait pas de mal à essayer d'envisager, de comprendre et de savoir qu'est-ce qui émergerait en cas de disparition de l'homme. Et malgré ces dégâts importants, eh bien, je crois que la planète, parfois, s'adapterait à Je suis désolé, voilà. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on arrive vraiment au bout de l'émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Jean-Sébastien Steyer. Merci Romain Garousse d'être venu nous parler du gigantisme. Jean-Sébastien Steyer, on peut vous lire notamment dans l'anatomie comparée des espèces imaginaires. C'est aux éditions du Cavalier Bleu. C'est David Jacuboviez à la réalisation et Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique. Demain, nous allons parler de l'expansion de l'univers pour la calculer. Une constante, la constante de Hubble. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire. France Culture. L'esprit d'ouverture.